J'ai un gros doute sur la personne qui a ordonné l'assassinat. On devrait reprendre à ce niveau de la réflexion.